Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. À marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1984. Le monsieur appuie sur le bouton et un vent d'excitation s'engouffre sous la robe de la dame qui a soudain très envie de lui. On appelle ça le déclic. Et dans les bibliothèques des salons bourgeois, c'est un incontournable. Le déclic, c'est déjà une bande dessinée, mais ça va devenir un film. Quand ? Patience. Pourtant, la couverture de cette bande dessinée est osée. Avec cette fille nue dont on voit les seins et le début du sexe, la bouche ouverte et les yeux clos, elle a l'air de nous faire signe d'approcher. L'auteur est un Italien assez peu connu en France, Milo Manara. Mais son déclic est devenu un indispensable. Alors, t'as ton membre qui dépasse. Tout comme l'autre succès érotique du moment, L'amour propre ne le reste jamais très longtemps, de Martin Véron. Je suppose que si vous m'avez invité à dîner, c'est pour me sauter. Oui, éventuellement. Eh bien voilà, il suffit de demander. Bon, sans vouloir dépoétiser l'acte, parlons un peu technique. Avez-vous entendu parler de la zone G ? Ce déclic de Manara provoque la même déflagration que les films Emmanuel 1 et 2 sortis il y a 10 ans. C'est un carton, particulièrement chez une population de type boboïde. J'ai un grand-oncle du côté de maman qui a une bite énorme. Décidément, la mode est à l'encanaillage depuis Giscard et ses petits shorts. L'écho des savanes, avec sa nouvelle formule plus grivoise, peut rejoindre les tables basses sans faire rougir. C'est autre chose que cette nouvelle chaîne cryptée qui diffuse du porno. Avec son déclic, il semble que ce Milo Manara incarne un érotisme à la fois cru, chic et acceptable. Même si, contrairement à l'Italie, la France a censuré une planche où l'héroïne, Claudia Cristiani, entreprend un garçon prépubère. Je découvre que si Manara a débuté sa carrière dans les fumetti, les pornos bas de gamme italiens, il a aussi commencé par le dessin politique et une bande dessinée aussi littéraire qu'exigeante du nom de Giuseppe Bergman. Elle lui aurait été inspirée par le maître Hugo Pratt, père de Corto Maltese, dont Manara est proche. N'est-ce pas, monsieur Pratt ? Je sais pas pourquoi il est bizarre, mais il est bizarre, Manara. Il paraît que le déclic du déclic est venu lorsque Milo Manara a visité la rédaction du journal Playmen, son premier commanditaire dans cette histoire. Le dessinateur y a vu un homme d'une laideur extrême, entouré par les femmes les plus sublimes. En rentrant chez lui et en ouvrant la porte de son garage, il aurait eu cette idée de boîtier qui contrôle les pulsions de l'héroïne. Mais en pleine affirmation de la sexualité féminine, comment Manara, influencé, dit-on, par le cinéma de Fellini et ses ogresses de désir, aurait-il pu pondre une fable aussi sexiste ? Et cette femme plutôt aisée qui se dévergonde, ne sert-elle pas un but plus politique ? Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, presque 40 ans plus tard, c'est que le déclic déclenche une toute autre explosion que celle que l'on croit. Romain Brett, commissaire de l'exposition Manara, itinéraire d'un maestro. Si le déclic paraissait aujourd'hui, il y aurait fort à parier que les réactions ne seraient pas du tout les mêmes. Nous sommes dans les années 80, la libération sexuelle est passée par là, et le discours est celui évidemment de l'affirmation du plaisir, de la recherche du plaisir par les femmes, et cette revendication, Milou Manara en a parfaitement conscience. Simplement, lui a conçu cela de manière très très complexe. Le déclic en italien, c'est il gioco, c'est-à-dire le jeu. Il l'a conçu comme un jeu ou comme une plaisanterie. Il a toujours abordé la bande dessinée sous un biais finalement assez intellectualisé. Sa série précédente, Giuseppe Bergman, était placée clairement sous l'égide de Pirandello, où il s'amusait un petit peu à déconstruire les personnages, à déconstruire les récits. Et cela va être le cas également pour le déclic. Le déclic est une suite de personnages caricaturaux, puisque ce qui est mis en scène, c'est quand même la grande bourgeoisie italienne, dont Milou Manara se moque. Il faut savoir que Milou Manara, dans les années 60-70, était assez radicalisé. Il faisait partie de ces étudiants italiens qui manifestaient, ou alors qui protestaient contre l'art, l'art figuratif classique, l'art bourgeois. Et donc, cette bande dessinée est d'une certaine manière le prolongement de cette jeunesse un petit peu engagée. L'ironie, c'est que cette bourgeoisie dont il se moque dans le déclic, c'est aussi celle qui va acheter massivement, notamment en France, son livre. Manara revendiquait une dimension sociale et politique de l'érotisme. Avec le déclic, c'est toute l'hypocrisie de la bourgeoisie italienne d'après les années de plomb qui est moquée, ainsi que ses mâles dominants. La bande dessinée qu'il dessine interroge la naissance du désir, interroge la possibilité pour l'homme de maîtriser la jouissance féminine, en sachant bien sûr, ça ne sera pas forcément quelque chose, une révélation extraordinaire, mais que le déclic est en fait une boîte vide. C'est-à-dire que les fameuses pulsions de Claudia Christiani ne venaient que d'elle et de personne d'autre. Et donc, évidemment, il y a un retournement complet de la situation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle subissait toutes les situations érotiques, alors qu'en fait, elle les créait d'elle-même. Et d'une certaine manière, elle créait le scandale. Laisse-moi sous dans ta Benz, quand tu pointes ton pompe, ça me rend dingue, dingue, dingue. Laisse-moi sous. Après le succès du déclic, le parfum de l'invisible enferme à tort Milou Manara dans cette caricature de dessinateur érotique. Pourtant, non seulement il est l'homme de la lutte des classes X, mais dans ce combat, ce sont les femmes qui ont les super-pouvoirs. Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Le désir féminin, il a été très rarement mis en scène en bande dessinée auparavant. Ça, c'est une certitude. Même aujourd'hui, on a des lectures qui sont assez critiques du déclic de Manara, qui voient Claudia comme une sorte de femme-objet. Bon, précisément, c'est pas une femme-objet, puisque le déclic étant une boîte vide, elle n'obéit à rien d'autre qu'à ses propres pulsions. Et de ce point de vue-là, elle est assez libre, puisque c'est elle qui, à la fin du déclic 1, d'une certaine manière, triomphe, alors que son mari, industriel italien, finit complètement fou, ruiné, etc. Alors qu'elle interpelle le lecteur de manière très ironique, en fait. Le déclic, drôlerie féministe et marxiste, avait ouvert une voie qui s'agrandit encore aujourd'hui. C'est peut-être un peu direct, sans doute un peu incorrect, mais j'aimerais faire l'amour